avant de continuer plus longtemps. Alors, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés parce qu'on vient d'accueillir quatre nouvelles entrées. Donc, on dit au revoir à quatre anciennes. Ouais, Palmer, rest in peace. Hein? Voici les pièges qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Les pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 17 au 23 novembre 2014. On a commencé avec la pièce de Canaille Texas qui est restée avec nous cette semaine. Oui, Texas, mais il souhaite en me disant ça. Texas. Ensuite, Salomé Leclerc qui a Arlon a reculé. Arculon, ben oui, ben là, toi, t'es supposé dire Arlon, puis là, moi, je suis supposé de faire le gag. Moi, c'est pas mal ça. Mais ça a duré 9 semaines. Alors, non, mais ça marche pas. Donc, on a eu Elephant Stone également avec Motherless Child. 9 semaines également, Mathieu. Oui. Et un téléphone qui sonne. Oh! Et est-ce qu'il va nous dire la prochaine pièce qui était là? Je vais regarder c'est qui. Ouais, c'est ça. Fermez ça. OK. Et on a terminé avec Rural Alberta Advantage qui est retourné dans sa ruelle lointaine de l'Alberta. C'est On the Rocks. Eh oui, 4 semaines. C'est comme si c'est quelqu'un qui s'est lancé en bas du. Non, c'est une blague de suicide, c'est pas très approprié. Non. Mais t'atterris sur des roches puis finalement, a duré juste 4 semaines. Voilà. Pas mal ça que ça veut dire. C'était beau, ça. C'était pas très beau. Donc, Palmer Rest in Peace, on fait ça chaque semaine. C'est quand on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Ah, voilà.